pas dû appuyer sur le bon bouton pour. Allô, la Terre. Est-ce que vous m'entendez? Capitaine Kirk, l'Enterprise. Spock à l'Enterprise. Spock. Capitaine Kirk? Capitaine Kirk. Capitaine Kirk, vous avez pris la drogue?